définition. Passion, éducation, ever evolution, ella elevation vers la connaissance. Des ambitions nourries par la recherche de l'essence. L'éthique, le show et le disque on affectionne. Par un état d'esprit, un message, on fonctionne. Parole explicite, on se canalise sur du hip-hop qui civilise. Ah, le hip-hop est nous, c'est toute une nation. Hip-hop est la coquille qui m'a blendé. Le bien ou le mal par la rime, je les distingue. Big up tous les DJ dans les sessions qui nous font swinguer. Que du pur son, on appelle d'unicité. Que du puissant lyrics dans la dignité. Les MCs wicked, unanime et sans limite. Que du positif, il débite, one love. Le smurf, le bugalou et les haza. Les pleurs, les rires, c'est pour les tiens. Les miens, les petits peu et les anciens. Le vinyle, le mixtape, c'est tout le MC's. Les défis, la foi en tout ce qu'on vit. Hip-hop, civilisation, béni mais pas. Amour meurtri d'une génération, l'abîmez pas. Esclave du yang, serviteur du ying. Pushing ball dans ce ring apocalyptique. Quoi, star Magneto? À titre de Mike Medium, rescapé maudit dans cette énième civilisation. Cobaye, oui, nous le sommes. Hip hop, keep on overflowing. Happy.